n'y a pas que les ondes gravitationnelles qui furent prédites par Einstein et observées près d'un siècle plus tard. En 1925, Albert Einstein s'inspire des travaux du physicien Satyendranath Bose, qui donna son nom au boson, pour extrapoler sur la faculté de plusieurs particules à des niveaux d'énergie très bas à se condenser en un même état quantique. Cette manifestation à l'échelle macroscopique de la nature quantique du mouvement des atomes a pris le nom de condensat de Bose-Einstein et n'a pu être observé que 70 ans plus tard, en 1995. Que sait-on aujourd'hui de ce phénomène qui a été qualifié de cinquième état de la matière ? Condensat de Bose-Einstein, le cinquième état de la matière, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour lever le voile sur la nature et les propriétés de cet état exotique, que l'on qualifie d'exotique de la matière, mais qui n'est plus grand-chose d'exotique maintenant qu'on le connaît relativement bien, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Balibar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Pierre Régrin de l'École Normale Supérieure, membre de l'Académie des Sciences. Bonjour Frédéric Cheville. Bonjour. Pardon, vous êtes professeur de physique à l'École Normale Supérieure. Vous pouvez nous suivre, et ça va être utile à certains moments aujourd'hui, sur les ondes, mais bien sûr sur notre fil Twitter où on va vous poster un certain nombre de liens vers des articles, vers des schémas, vers des vidéos qui vont vous permettre de visualiser parfois certaines propriétés ou certains états ou certaines transitions de phase, par exemple, que nous allons aborder au cours de cette heure. Mais pour commencer, messieurs Sébastien Balibar, Frédéric Cheville, cette qualification de cinquième état de la matière est-elle abusive selon vous, Sébastien Balibar ? Vous savez, des états de la matière, il y en a beaucoup, hein, donc vous pouvez l'appeler cinquième si vous voulez, moi j'y vois pas d'inconvénient. Frédéric Cheville, septième, huitième, douzième. Les théoriciens en ce moment nous inventent un nouvel état de la matière à peu près toutes les semaines, donc oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet état, en tout cas, pour avoir été comme ça la marotte, en tout cas une sorte de point de recherche, de cristallisation de point de recherche de la physique des états de la matière pendant plus de 70 ans, Sébastien Balibar? C'est un état étrange, hein, au point que Einstein lui-même, pendant une bonne dizaine d'années, n'y croyait pas. Parce qu'à partir des calculs de quelqu'un d'autre, qui est Bose, dont vous avez parlé, il en avait conclu qu'à température nulle, un ensemble de particules identiques qui sont des bosons. Alors, peut-être qu'il vaut mieux dire tout de suite les bosons et les fermions. Allons-y, on commence tout de suite, c'est donc, parti. Mais vous inquiétez pas, moi j'aime bien les analogies, hein, donc je vais pas vous donner d'équation. La physique quantique et la physique moderne distinguent deux types de particules. Il y en a qui acceptent de se mettre tous dans le même état, et il y en a qui refusent absolument d'être plus de un par état. Donc imaginez des oiseaux devant une échelle. Les états possibles, c'est les échelons de l'échelle. Alors les bosons, donc les particules qui obéissent à la statistique de Bose, hein, les bosons, ils sont susceptibles d'accepter d'être tous ensemble sur le premier niveau. Et puis les fermions, les autres, du nom de Monsieur Enrico Fermi, au contraire, ils se mettent un seul par état, un seul par échelon. Donc ça donne pas du tout les mêmes propriétés d'ensemble. Alors, donc, ces particules qui obéissent à la statistique de Bose, Einstein a calculé qu'éventuellement, à température nulle, eh bien, elles pouvaient être effectivement toutes sur le niveau du bas de mon échelle, là, toutes ensemble. Et il trouvait ça extrêmement bizarre. Cet ensemble de particules toutes dans le même état, il a appelé ça un condensat. Alors des condensats, on en connaît, hein. Je veux dire, quand vous soufflez sur une vitre froide, la vapeur d'eau de votre haleine se condense sous forme de gouttes. C'est parce que les atomes s'attirent, et donc s'il n'y a plus d'agitation, plus suffisamment d'agitation thermique pour les séparer, elles se mettent toutes ensemble, agrégées en une goutte liquide. C'est un phénomène classique qu'on appelle de condensation, c'est-à-dire la transition d'une phase gazeuse à une phase liquide. Exactement. Et donc, la condensation de Bose-Einstein, elle se passe pas dans l'espace réel. Donc, c'est pas non plus comme un liquide qui cristallise, où tous les atomes vont se mettre à des endroits précis, d'ailleurs en général, bien régulièrement arrangés dans l'espace. Non, c'est pas du tout ça. c'est dans l'espace des vitesses. Ça signifie que tous les atomes adoptent le même comportement, mais qu'elles ne, non seulement elles ne sont pas régulièrement distribuées dans l'espace ou tout ensemble à un point précis, mais au contraire, elles sont partout à la fois. Alors ça, vous savez, la mécanique quantique, hein, c'est pas toujours intuitif. Hein. Mmh. Mais enfin, vous savez sans doute, enfin beaucoup de gens savent que les particules sont aussi des ondes. Mmh. Alors quand vous avez des vrais objets, mettons des balles de tennis, elles vont être quelque part. Elles ne sont pas dans l'ensemble de ce studio, par exemple. Mais en revanche, quand je parle, que je parle fort ou pas fort, ça n'a pas d'importance, eh bien le son de ma voix, les ondes acoustiques sont partout à la fois. Donc le fait d'être à la fois des particules et des ondes, ça peut permettre à ces particules d'être partout à la fois dans une boîte qui les contient, par exemple. Mmh. Donc ce condensat de Bose, les particules ne sont pas ordonnées dans l'espace réel habituel, elles sont ordonnées parce qu'elles ont toutes la même vitesse. Et si on ne les met pas en mouvement, cette vitesse est nulle. Mais elles ne sont pas arrêtées quelque part. Elles sont partout à la fois immobiles. C'est ce qu'on appelle finalement des capacités macroscopiques de c'est une seule onde qui a des caractéristiques de quantiques à l'échelle macroscopique. Alors je dirais ça un petit peu autrement en disant que, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Mmh. En 1924-25, quand Einstein trouve ça, et même dans les années, début des années 30, les gens accepte éventuellement qu'un électron, par exemple, bon, c'est petit, ça peut être une onde, et surtout quand c'est l'électron d'un atome d'hydrogène qu'on comprend à cette époque-là, etc. Donc l'intérieur d'un atome, une particule toute seule, bon. Mais qu'un ensemble de milliards et de milliards de particules se mettent toutes ensemble pour faire des ondes superposées qui n'en font plus qu'une seule onde de matière, mmh, qui peut être un litre entier d'hélium liquide, parce que je vais y venir tout à l'heure, mmh. Alors ça, les gens ont vraiment du mal. Bon, sauf que Einstein lui-même, il était connu pour n'y croire pas vraiment. Il écrivait, pour être précis, oui, l'idée est belle, mais contient-elle une part de vérité ? Absolument. J'ai même ça en allemand. Si vous voulez, je peux vous le dire en allemand. Allez-y. Mais mon allemand est un peu bon. Oh, il sera pas pire que le mien. Il a dit "Die Theorie ist hübsch." Hübsch, ça veut dire joli. Aber ob auch etwas Wahres dran ist, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de vrai là-dedans, mmh, quoi. Bon. Et donc, il n'y croyait pas. Et puis, l'histoire continue par Monsieur Uhlenbeck. Alors, Monsieur Uhlenbeck, c'était un étudiant d'un ami d'Einstein qui s'appelait Ehrenfest. Ils étaient amis parce qu'ils jouaient de la musique de chambre ensemble. Ehrenfest, il était pianiste et puis Einstein, violoniste, comme on sait peut-être. Et grand amateur, notamment de Mozart, de Bach. Et j'ai une photo magnifique de ces deux grands noms de la science avec le fils d'Ehrenfest. Et ça, c'est une histoire dramatique que je peux vous raconter, mais on a d'autres choses à dire. C'est ça, on a pas mal de choses à dire sur ce condensat de Bose-Einstein. On en discutera à d'autres occasions. Ce jeune étudiant, Uhlenbeck, avait émis une objection sur une histoire de limite thermodynamique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc, il y avait aussi quelques arguments scientifiques pour dire, ouais, bon, ça doit être un artefact de calcul. Alors, artefact de calcul, en quelques mots, c'est de dire, finalement, un objet singulier qui n'a pas de vraie réalité matérielle, finalement. Si vous voulez. En quelque sorte. Si vous voulez, oui. En ce sens, pas de vérité, quoi, finalement. Voilà. Bon. Alors, il s'est passé des choses, et puis, je saute en novembre 1937... Et en novembre 1937, il y a une conférence à Amsterdam pour célébrer le centenaire de Monsieur Van der Waals. Alors Van der Waals, c'est un autre très grand nom de la physique. Bref. Et donc, à cette conférence, il y a Einstein, Uhlenbeck, Ehrenfest, Kramers, enfin un nombre de très grands noms comme ça. Et il s'agit des transitions de phase, comme vous avez dit, mm-hmm, c'est-à-dire des changements d'état de la matière. Bon. Et donc, ils réfléchissent à cette histoire de condensation de Bose-Einstein, et finalement, Uhlenbeck retire son objection, et Einstein reste sceptique, sauf qu'il pense que c'est peut-être vrai après tout. Bon. Et là, je saute de novembre à 1937 à janvier 38, c'est-à-dire juste 3 mois après. Parce que, assister aussi à cette conférence, quelqu'un pour qui j'ai une admiration gigantesque, qui a travaillé à la fois sur la supraconductivité, dont on va parler tout à l'heure, qui ressemble à la superfluidité, dont je voudrais dire quelques mots. Dont on va parler tout à l'heure, mais on va prendre les choses dans l'ordre pour ne pas perdre nos amis. Et donc, Fritz London, c'était un grand physicien qui avait été philosophe, qui avait fait ses études et ses premiers travaux en Allemagne, mais que le pouvoir nazi a chassé, d'abord en Angleterre, puis à Paris, où il arrive au Collège de France, non, à l'Institut Henri Poincaré, à peu près à cette époque-là, en 1936. Et donc, revenant d'Amsterdam, donc fin 1937, il se dit, mais il y a longtemps que je cherche un phénomène quantique qui serait macroscopique. Parce que vous voyez, à l'époque, j'avais déjà un peu fait allusion à ça, mais à l'époque, les gens pensaient que la physique quantique, si tellement bizarre, bon, c'était l'intérieur des atomes, on avait compris quelle était la structure de l'atome d'hydrogène, par exemple, qui est le plus simple d'entre eux, bon, qui a plein de vide, enfin, c'est très intéressant, tout ça. Bon. Mais London, lui, il pensait que si c'était vrai, ça devait être vrai aussi à l'échelle macroscopique du visible. Bon. Et il y a quelqu'un, et plus exactement, deux groupes, un à Cambridge en Angleterre et l'autre à Moscou, qui ont découvert un liquide absolument invraisemblable qu'ils ont appelé superfluide parce que dans un récipient, avec la moindre petite fente, l'hélium, en dessous d'une certaine température, se mettait à couler comme si c'était grand ouvert. Donc vous mettez du miel dans un pot qui a une fente, il ne coule pas. Vous mettez de l'alcool, il perle peut-être un peu. L'hélium superfluide, dans un récipient avec toute petite fente, il se précipite dehors. C'est-à-dire qu'il y a zéro viscosité. Zéro viscosité. Quoique les gens ont beaucoup discuté pour savoir s'il y avait une viscosité très faible ou pas de viscosité du tout, ce qui n'est pas la même chose. Bon, enfin bref, donc ils se sont aperçus aussi que cet hélium liquide, quand on pompe dessus et qu'on chauffe en même temps, il boue, quoi. Comme quand vous mettez de l'eau dans une casserole, ça boue. Bon. L'hélium, d'un seul coup, à 2 degrés, il arrête de bouillir, il devient d'un calme, j'allais dire olympien, mais je crois pas que l'hélium pense à l'Olympe. Mais on parle de 2 degrés Kelvin, hein, par ailleurs. 2 degrés Kelvin. Pas 2 degrés Celsius, pardon, donc en sachant que le zéro est en moins 271 degrés habituels, voilà. Donc c'est des températures très, très, très basses. Près du zéro absolu, qui est là où la matière arrête de s'agiter, qu'on appelle le zéro absolu dans la thermodynamique, d'ailleurs naissante, enfin, elle était née un peu avant. Bon. Et donc, ils s'aperçoivent que cet hélium liquide, il ne boue pas. Il conduit la chaleur mieux que le cuivre. Vous le mettez dans un verre, il remplit le fond du verre, sauf qu'il remonte sur les bords, il fait le tour, et il perle en dessous, et donc, assez vite, il coule tellement vite le long des parois que le verre se vide tout seul. Donc, tout ça se fait un peu beaucoup. Et puis, en février 1938, les gens de Cambridge, là, donc Allen et Jones, s'aperçoivent, ils font une expérience qui est la suivante. Ils prennent un tuyau avec un bouchon poreux d'un côté et ils l'éclairent avec une lampe. Eh bien, il jaillit une fontaine qui est proportionnelle à l'intensité de la lampe. Alors, ça devenait vraiment trop. Mm-hmm. Ce liquide était trop, comme on dit peut-être les jeunes aujourd'hui. Et donc, en tout cas, c'était trop pour Fritz London, qui était donc réfugié à l'Institut Henri Poincaré, à côté d'ici, là, à Paris. Que l'on connaît bien. Trop, parce que du coup, il a repensé à cette discussion d'Amsterdam avec Einstein. Mm-hmm. Et il s'est mis à calculer la température à laquelle la condensation de Bose-Einstein, j'y arrive enfin... Mais je trouve que cette histoire est magnifique. Elle est très belle, cette histoire. Bon, vous la racontez parfaitement bien. Ah, formidable. Donc, je continue. Donc, il se dit, mais... il calcule la température à laquelle la condensation de Bose-Einstein pourrait avoir lieu. Pour ça, il développe un peu la théorie. Il fait une approximation dangereuse en supposant que l'hélium liquide est un gaz idéal, ce qui n'est vraiment pas vrai. Mais enfin, bon, il a une faible densité. Bon... Et il trouve à peu près la même température, les fameux 2 degrés. Il trouve 3, mais bon, 3 ou 2, avec tant d'approximations, c'était pas mal. Bon. Et puis, il calcule aussi des propriétés thermodynamiques. Alors, il calcule ce qu'on appelle la chaleur spécifique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qu'il faut apporter pour chauffer, mettons, de 1 degré le liquide en question. Et il trouve que ça a une forme de lettre grecque lambda, avec un truc pointu vers le haut, là, qui est le même que celui qui a été observé par les expériences. Donc il hésite, mais il risque un petit article qu'il envoie à la fameuse revue Nature en mars 1938, en disant, écoutez, je fais des approximations. Il dit pas ça sur le ton que j'adopte. Hein. On va vous retrouver. On va vous retrouver l'article de Nature de London de 1938. On va vous le mettre comme ça. Vous pourrez le consulter sur le fil Twitter de l'émission. Je l'ai dans mon sac. Hein. Oui, mais on va le mettre sur mais de façon virtuelle sur Twitter. Et donc, il admet qu'il a fait beaucoup d'approximations, mais il trouve quand même qu'il est vraisemblable que le phénomène observé dans ce liquide incroyable a un rapport avec la condensation de Bose-Einstein. Alors là, je vais sauter pas mal d'années. Alors, moi, je vais vous interrompre un petit peu pour donner la parole à Frédéric Chevy qui vous écoute religieusement depuis tout à l'heure. C'est formidable. On est parti pour une heure quasiment. Mais moi, j'aimerais entendre à votre tour un peu Frédéric Chevy avec vos mots à vous-même. Non pas la même histoire que Sébastien Balibar vient de nous raconter brillamment, mais votre acception à vous du condensat de Bose-Einstein. Comment vous le décririez? Est-ce que vous le décririez par ses propriétés? Est-ce que vous le décriez par ses qualités ou par la façon dont on l'obtient? Ou je peux peut-être par une question de Béotien complète, que normalement quand on diminue l'énergie d'un gaz, eh bien effectivement il condense en liquide, puis il se solidifie. Pourquoi est-ce que certains atomes ne se comportent pas de cette façon-là et condensent en condensat de Bose-Einstein? Alors il y a plusieurs, réponses à vos questions. Peut-être pour compléter l'histoire de Sébastien, il faut voir que moi, ce que je trouve remarquable en tout cas dans cette histoire, c'est que la plupart de ces travaux, donc de Pauli, Fermi, Bose, Einstein, etc., ont été écrits, inventés avant même la naissance de la mécanique quantique telle qu'on la connaît, celle qui date de 1927 et après les travaux de Schrödinger qui marquent vraiment la naissance de cette mécanique quantique. Et ce qui fait que il y avait des ambiguïtés, des ambivalences. Par exemple, on ne comprenait pas à l'époque pourquoi certaines particules devaient se comporter comme Bose le disait ou comme d'autres, comme Fermi le prétendait, c'est-à-dire une seule particule par échelon et pas tout le monde sur le même échelon. Et il a fallu justement ensuite attendre qu'on développe vraiment la mécanique quantique pour comprendre pourquoi il y avait ces deux espèces de particules. Et ce que je trouve ce qui est intéressant, c'est que il y a un aspect philosophique justement à cette distinction. Donc Sébastien a donné la différence opératoire, c'est-à-dire celle qu'on utilise dans les laboratoires ou dans les descriptions simples de ce que c'est qu'un boson et fermion. Mais plus fondamentalement, en fait, ça vient d'une question philosophique qui est reliée à l'identité des particules. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de dire que deux objets qui ont l'air identiques, par exemple deux balles de tennis qui sortent de la même usine, qui ont la même forme, la même couleur, etc., sont identiques mais sont pourtant différentes pour nous. Mmh. Et le point central, c'est que en physique classique, dans le monde macroscopique, eh bien, on est capable de distinguer l'histoire d'une balle de ping-pong par rapport à une autre. On est capable de suivre à tout instant la trajectoire d'une balle de ping-pong et de l'autre balle de ping-pong. Et même si jamais on perd de vue les deux balles de ping-pong, les équations déterministes de la physique nous permettent d'interpoler les trajectoires entre le dernier moment où on les a vues et ensuite le moment où on les a de nouveau observées. On sait qu'il y a une trajectoire bien définie. Et justement, ce qui est nouveau en mécanique quantique, c'est que le point central de la mécanique quantique, c'est que tant qu'on ne fait pas une observation, on ne peut pas dire ce qui s'est passé. Donc cette reconstruction de la trajectoire des particules, on ne peut plus la refaire. Et donc deux balles de ping-pong a priori identiques, on va lâcher dans une boîte qu'on perd de vue, eh bien on n'est plus capable de leur réaffecter une identité. C'est-à-dire j'avais la balle de ping-pong qui était à ma gauche, la balle de ping-pong qui était à ma droite, elles ressortent de la boîte, je suis plus capable de savoir laquelle était laquelle. Et c'est l'analyse quantique de ce phénomène qui a donné naissance à ce phénomène de boson et de fermion. Donc c'est vraiment la notion d'identité, le fait que tous les atomes d'hélium sont identiques, le fait que tous les électrons sont identiques, le fait que tous les atomes de rubidium sont identiques, fait que certains vont se comporter comme des bosons, donc vous tous vouloir se mettre dans le même état quantique, ou comme des fermions refuser de se mettre dans le même état quantique. On peut préciser à l'adresse de nos auditeurs qu'effectivement, en dehors des particules elles-mêmes, au niveau atomique, certains isotopes d'un atome se comportent comme des bosons, alors que l'autre isotope se comporte comme des fermions, corrigez-moi si je me trompe, pour l'hélium, je crois que l'hélium 2 est un boson, l'hélium 3 est un fermion. C'est une question de symétrie, hein. C'est le nombre de particules. Alors, quand il y en a toutes seules, en général, c'est des fermions, et puis quand elles sont en nombre pair, c'est en général des bosons. C'est un peu plus subtil que ça, mais disons, en particulier pour les isotopes, c'est ça qui se passe. L'hélium 3 a deux protons, deux neutrons, deux protons, un seul neutron et deux électrons, ça fait 5, donc c'est un fermion. Et l'autre, le 4, qui a un proton, un neutron de plus, excusez-moi, lui, c'est un boson. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment, c'était en 1946, comme les gens, beaucoup de gens doutaient, en particulier l'école russe, Landau, etc., doutaient qu'il y ait un rapport entre la condensation de Bose-Einstein et la superfluidité, le test, c'était de voir si l'hélium 4 étant superfluide, est-ce que l'hélium 3 l'était aussi ? Et donc, c'était le début de la production de l'hélium 3 après la guerre, etc. Mmh. Et on a effectivement trouvé que l'hélium 3 n'était pas superfluide, donc que s'agissait bien de condensation de Bose-Einstein, en tout cas pas à des températures semblables. Sauf que, et là, ça va nous donner une perspective pour tout à l'heure, hein, sauf que beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans les années 70, on s'est aperçu que si les hélium 3 se mettaient par paire, hein, à ce moment-là, 2 fois 5, ça fait 10, hein, donc c'est à nouveau un nombre pair, et effectivement, les paires d'hélium 3, donc l'hélium 3 à très très basse température, moins basse que ce que sait faire Frédéric Chevy avec des gaz, mais quand même au millikelvin, eh bien l'hélium 3 s'apparie, les atomes s'apparient, et ils deviennent superfluides de la même manière que les supraconducteurs, où c'est des électrons. Alors les électrons sont un par un et sont des fermions. Dans des métaux, donc ça c'est des fermions, mais s'ils se mettent par deux, alors ça devient un supraconducteur, et à ce moment-là, le gaz d'électrons apparié coule dans un métal comme l'hélium superfluide à travers n'importe quoi sans résistance, d'où toutes les applications des supraconducteurs. Ouais. Et on va revenir hein, sur les atomes froids et sur les différentes méthodes de refroidissement des atomes. Et effectivement, vous dites au millikelvin, mais on peut descendre bien plus bas au picot, voire en dessous au picot Kelvin. Pour revenir, Frédéric Chevy, pour compléter, je vais vous reposer la question que je posais tout à l'heure que sur ces condensats de Bose-Einstein. Pourquoi est-ce que certains bosons... Bose avait postulé au départ que c'était les photons hein, qui pouvaient se condenser. Et on verra tout à l'heure qu'une équipe allemande a réussi d'ailleurs à le faire, et vous nous expliquez comment, parce que les photons sont un des bosons particuliers. Pourquoi est-ce que certains atomes, certains bosons se condensent dans cette forme de condensat de Bose-Einstein, et pourquoi et selon quelles conditions, pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas les changements de phase de la matière classique que l'on connaît et que l'on apprend en physique au collège. Alors, il y a plusieurs réponses. Dans l'hélium, on triche pas trop. C'est-à-dire que, en général, ce qui se passe... On triche pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Nous, on triche. Dans les atomes froids, on triche, je vais vous expliquer pourquoi. Le point, c'est que, en principe, à température nulle, à pression ambiante, toute la matière est solide. Et donc, à part dans des systèmes hypothétiques qui s'appellent les super solides, on s'attend pas à avoir de condensation Bose-Einstein dans un solide, parce que les atomes sont rigides, ils bougent pas, il peut rien leur arriver de spécial. L'hélium a la particularité d'être le seul élément, ça Sébastien pourra confirmer, qui reste liquide, reste fluide, donc à température nulle. Et donc c'est le seul élément pour lequel on arrive à aboutir à des températures suffisamment basses en le gardant fluide, et donc à avoir cette phase de condensation de Bose-Einstein. Alors après, dans les atomes froids, donc qui sont les objets que je manipule, qu'on manipule dans nos laboratoires, on triche un petit peu, c'est-à-dire qu'on garde des vapeurs à des températures qui sont extrêmement basses. Donc on a parlé de millikelvin, un millième de degré au-dessus du zéro absolu. Là, on va descendre des températures au nanokelvin, donc un milliardième de degré au-dessus du zéro absolu. Mais malgré tout, les vapeurs, on arrive à les garder sous forme vapeur et pas sous forme solide, alors qu'elles voudraient rester sous forme solide à cette température-là. Alors là, l'idée, c'est qu'on triche, comme je disais. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une vapeur qui est extrêmement diluée, un million de fois moins dense que l'air, ce qui fait qu'il y a très très peu de collisions entre les atomes, et ils ont beaucoup de mal à former en fait le solide vers lequel ils voudraient les cristalliser. Et donc c'est comme ça qu'on les arrive à les garder suffisamment longtemps à basse température et à observer la phase superfluide dans ces cas-là. Donc comme je vous dis, on triche en ralentissant la cristallisation. Sébastien Vallard. Oui, j'ai envie d'en rajouter encore parce que c'est fascinant ces propriétés. Et je voudrais rajouter quelque chose aux choses qu'a dit Frédéric. Donc vous avez compris, l'hélium liquide, lui, il est vraiment stable jusqu'au zéro absolu, sauf si on le pressurise, mais oublions ça. Bon. Alors que les gaz très froids qu'on arrive à refroidir avec des méthodes optiques extraordinaires, ils sont stables, ils sont métastables. En fait, ils sont stables pendant un certain temps. Mais ce temps est suffisamment grand, mettons une seconde, je ne sais pas combien c'est exactement, ça dépend des atomes d'ailleurs. ils sont très forts, donc ils ont largement le temps de faire beaucoup d'expériences dessus. Alors, l'une des choses très remarquables, oui, parce que, bon, ça restait un peu controversé, hein, cette histoire. Est-ce que la superfluidité, c'est la même chose, ou c'est une conséquence nécessaire de la condensation de Bose-Einstein? Est-ce que c'est vraiment ça qui entre en jeu ou pas? Bon, alors, on en était de plus en plus certains, c'était développé par d'autres gens, Feynman, Penrose, Onsager, dans les années 50. On a découvert des tourbillons qui sont quantiques. Ah, ça, c'est formidable. Je peux dire les tourbillons pendant une minute. Allez, une minute de tourbillon de la matière quantique. Quand vous videz votre lavabo à la salle de bain, vous, en général, il y a un tourbillon qui se met en place avec souvent un trou au milieu parce que l'air remonte par le centre. Bon. Mais la vitesse à laquelle tourne l'eau dans votre lavabo, elle est quelconque. Ça peut prendre n'importe quelle vitesse. Et si vous faites tourner plus vite, par exemple avec la main, ben ça tourne plus vite. Alors, les superfluides, à cause des propriétés des condensats de Bose-Einstein, d'ailleurs, eux non. Les tourbillons sont quantifiés, ça veut dire qu'ils sont absolument tous pareils. Donc, au repos, il y a zéro tourbillon. Vous faites tourner le superfluide, c'est pas facile, mais on sait faire, il en rentre un. Mais si vous tournez plus fort, il en rentre un deuxième qui est identique au précédent. Donc, quand vous mettez à tourner beaucoup, le fluide, quoi, disons, est envahi d'un réseau de petits tourbillons, tous exactement pareils, qui d'ailleurs s'arrangent en forme de réseau en nid d'abeilles. Alors, qui ne s'agrègent pas. Ils ne s'agrègent pas, ils se repoussent, effectivement, et comme ils se repoussent tous, ils s'arrangent en hexagone, vous voyez. Bon. Alors, ça, c'est une comme ça a été observé exactement pareil. Les photos sont spectaculaires. On va en mettre pareil sur le fil Twitter de ces tourbillons. Ah oui, je crois que vous allez faire passer par la radio. Ça ça marche pas encore. Il faut donc, avoir un petit écran. Les photos qui montrent des tourbillons quantiques, etc., dans des gaz extrêmement froids, où là, on a démontré, c'est ça quand même la chose importante, parce que mesurer la distribution des vitesses dans un gaz ou dans un liquide, c'est franchement difficile. Alors, eux, ils savent faire. Bon. Mais nous, dans l'hélium liquide, on ne sait pas faire. Il n'empêche, les photos de réseaux de tourbillons dans les deux systèmes, un dense, l'hélium liquide, l'autre très, très, très dilué, les gaz, sont exactement semblables. D'où une impression très forte que c'est la même chose. Un mot, Fred, parce que quand Sébastien Balibar dit « eux », il pointe le doigt vers Frédéric Chevier. Oui, parce qu'on a une fraternité concurrente. de physique expérimentale. Néanmoins, un mot tout de même, Frédéric Chevier, qu'il faut rajouter. Puis ensuite, on va avancer un peu dans notre histoire et on va raconter comment on a réussi à obtenir, c'est important parce qu'il y a un prix Nobel français, Cocorico, dans l'histoire. Par ailleurs, comment on a réussi à obtenir de façon expérimentale ces premiers condensats en 1995? Peut-être un mot pour dire l'importance pour la suite de notre discussion et puis pour le condensat en lui-même, pour les BEC, comme on les appelle, les Bose-Einstein condensés en anglais, de la notion d'ordre, qu'il s'agit d'un système parfaitement ordonné et qui réagit de façon parfaitement uniforme. L'ordre, c'est relié à ce que disait Sébastien au tout début, c'est-à-dire le fait que tous les atomes ont la même fonction, pas la même fonction monde, c'est la même onde qui va tous les décrire. Alors c'est un ordre assez abstrait, c'est-à-dire qu'une onde, ça se représente avec une oscillation, et une oscillation c'est décrit avec un top de départ, et puis ça continue à osciller à partir du top de départ. Et en gros, quand on a une phase qui est non condensée, chaque atome est décrit par une onde qui a eu un top de départ qui est différent. Et l'ordre, justement, qui caractérise la condensation de Bose-Einstein, c'est que pour tous les atomes du condensat, le top de départ de l'onde qui va les décrire va être le même pour tout le monde. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on parle d'ordre pour les condensats. Thank you. 16h32 sur France Culture, sur quelques notes extraites de l'opéra de Philip Glass, Einstein on the Beach, puisque nous parlons tout au long de cette heure du condensat de Bose-Einstein, ce 5e, 6e, 8e, 15e état de la matière, en tout cas un état de la matière théorisé par Albert Einstein à partir des travaux de Bose en 1925 et confirmé expérimentalement en 1995. On va en parler dans un instant, nous en parlons avec Sébastien Balibar, qui est physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Pierre Aigrin de l'École Normale Supérieure, et Frédéric Chevy, qui est professeur de physique à l'École Normale Supérieure. Peut-être que pour poursuivre cette histoire, Sébastien Balibar ou Frédéric Chevy, d'ailleurs, il faut parler de la façon dont on a réussi à arriver à cette observation expérimentale du condensat de Bose-Einstein en 1995, parce qu'il a fallu mettre au point les techniques pour permettre de refroidir un gaz à des températures critiques. Je me retourne vers vous, Frédéric Chevy. On peut penser comme ça que ces refroidissements, bon, c'est de la réfrigération, de la cryogénisation. Pas du tout, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça ne marche pas, la cryogénisation, pour descendre à des températures aussi basses. Tout à fait. Alors, c'est des techniques qui ont été développées durant les années 80 et qui utilisent uniquement de la lumière, donc des lasers. Alors c'est un peu paradoxal, on a l'image en tête en général de l'étoile de la mort qui va détruire des planètes, mais quand on est suffisamment rusé, on arrive à utiliser cette énergie, cette puissance, de façon cryogénique plutôt, pour refroidir des atomes à des températures extrêmement basses. Donc c'est des travaux qui ont été faits dans les années 80 expérimentalement, mais alors de façon assez amusante, Einstein avait déjà, dans les années 1915, quelque chose comme ça, compris la plupart des processus qui allaient être en jeu dans ces refroidissements, dans ces mécanismes de refroidissement. Simplement, il n'avait pas les technologies, il n'y avait pas de laser à l'époque pour les mettre en œuvre. Donc ce qu'Einstein avait simplement regardé, c'était, voilà, je mets un atome dans de la lumière, donc il y a la lumière, et puis l'atome interagit avec la lumière, et il a compris comment est-ce que l'atome et la lumière pouvaient changer de la chaleur et se mettre dans un certain sens à la même température. Alors expliquez-nous justement, parce que c'est intéressant cette mécanique qui a valu d'ailleurs un prix Nobel à Claude Cohen-Tanucci et ses collègues Stephen Chu et William Phillips en 1997 pour cette technique de refroidissement par laser. Expliquez-nous justement ce principe d'échange de lumière et d'échange d'énergie entre les atomes et la lumière qui permettent de descendre, vous l'avez dit, au picot, au nano-Kelvin. Donc l'idée, c'est que un atome en présence de lumière peut changer d'état, c'est-à-dire un électron du cortège électronique peut passer de l'état, ce qu'on appelle l'état fondamental, l'état de plus basse énergie, vers un état excité, et cette énergie, va être fournie par les grains de lumière, les photons. Et l'atome, une fois qu'il est dans l'état excité, eh bien, va redescendre dans l'état fondamental en rémettant un photon. Alors, ce qui est particulier, si on éclaire un atome avec un faisceau laser, a priori, tous les photons se propagent dans la même direction avec ce faisceau laser. Et ce qui se passe lorsque l'atome absorbe un photon, c'est qu'il absorbe à la fois son énergie, mais aussi ce qu'on appelle sa quantité de mouvement, c'est-à-dire qu'il va subir un effet de recul, exactement, lorsqu'on attrape une balle, on recule. Ou un tir d'arme à feu, c'est l'effet de recul habituel. Alors évidemment, il y a de nouveau un effet de recul lorsque l'atome réémet un photon. Là, c'est vraiment comme l'arme à feu, il va émettre une balle qui est le photon. Mais le photon qui a été mis dans une direction complètement aléatoire. Donc si on fait une moyenne sur quelques photons, eh bien l'effet du recul dû à l'émission va s'annuler et seul va subsister l'effet du recul dû à l'absorption. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est comme si je vous envoie des balles en permanence, vous allez reculer sous l'effet de ces balles. Et c'est exactement ce qui va se passer lorsqu'on met un atome dans un faisceau laser, il va reculer sous l'effet du faisceau laser. Ce qu'on appelle la pression de radiation. Alors après, ce qui est subtil, c'est que si on choisit correctement la longueur d'onde, la couleur du faisceau laser, et que l'on met un atome entre deux faisceaux laser contre-propageants, eh bien là, on peut réaliser une force qui va s'opposer à la vitesse de l'atome. C'est-à-dire que si l'atome va dans une direction, eh bien la force de pression de radiation va être exactement dans la direction opposée à la vitesse de l'atome. Et donc ça va amener à réduire la vitesse de l'atome jusqu'à l'amener à une température qui est pratiquement le zéro absolu. Donc par ces techniques-là, on part de la température ambiante, voire plus haut que la température ambiante, jusqu'à des températures qui sont typiquement de l'ordre du micro-Kelvin, voire en dessous, donc un millionième de degré au-dessus du zéro absolu. simple, en quelques millisecondes, simplement en utilisant de la lumière. Ce qui aboutit donc, Sébastien Balibar, à 1995, et cette observation expérimentale par une équipe américaine qui est parvenue à obtenir pendant quelques secondes, ce qui est très long en physique des particules, un condensat de Bose-Einstein de quelques milliers d'atomes de rubidium. Oui, il y avait aussi une expérience au MIT sur du sodium, oui. Il y avait deux équipes, oui. C'est extraordinaire, comme nous l'explique Frédéric, ces gens ont des techniques extrêmement fines, très délicates, admirables, mais ils ont aussi des idées géniales, quoi. Il y en a une que j'aime particulièrement parce qu'on arrive à l'expliquer sans trop de difficultés, c'est la manière dont ils ont réussi à mesurer la distribution des vitesses de ce petit nuage, parce que quand on le regarde, enfin, on voit quelque chose quand même, on voit comme un petit nuage qui flotte à l'intérieur d'une cellule avec des lasers dans tous les sens. Bon. Et donc, comment mesurer les vitesses de ce petit nuage, des atomes dans ce petit nuage? Alors, c'est un piège qui les maintient flottants comme ça. Bon. Et donc, s'ils interrompent le piège, donc ils coupent les lasers qui piège ce million ou dizaine de millions d'atomes, les atomes tombent sur le plancher de la cellule. Là, il y a plein de détecteurs. Alors, si les atomes ont des vitesses thermiques, c'est-à-dire dans tous les sens à la fois, eh bien, ils vont partir avec des vitesses différentes dans tous dans toutes les directions, donc, et ils vont tomber un peu partout. Bon, donc ça va faire une tâche. Mais en revanche, s'ils sont tous immobilisés parce qu'ils sont dans ce condensat où toutes les vitesses sont les mêmes et même elles sont nulles, alors ils tombent tous au même endroit. Donc ça fait une toute petite tâche très intense juste en dessous du nuage. Et donc c'est ça qu'ils ont fait. Et donc la réalité de cette homogénéité, de cet ordre dans l'espace des vitesses, si vous voulez, comme disait London, finalement, la réalité de cet ordre dans l'espace des vitesses est visible. On voit tout de suite la tâche que ça fait. Si ça fait un pic précis, c'est que c'était un condensat. Si ça fait une tâche un peu partout, c'était un gaz classique. Et c'est ces pics qu'on voit quand on cherche à illustrer le condensat de Bose-Einstein. Voilà. On voit ces pics avec un sommet qui montre qu'effectivement, d'un seul coup, tout s'est condensé en un point exact. Et bien, depuis 22 ans, en tout cas, la technique de refroidissement, puisque 95, c'était il y a 22 ans, et oui, déjà, la technique de refroidissement par laser s'est perfectionné. On a pu obtenir des condensats de Bose-Einstein à partir d'autres atomes que le rubidium. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez chaussé vos plus belles lunettes pour voir comment on obtient un condensat de Bose-Einstein avec des atomes de dysprosium. De dysprosium. Je suis allé rencontrer Sylvain Nassemben, qui est maître de conférence à l'école normale supérieure et chercheur au sein de l'équipe condensat de Bose-Einstein du laboratoire Kassler-Brossel installé au Collège de France. Il nous explique le fonctionnement des lasers à atomes froids qu'il utilise et les objectifs de son expérience justement avec des atomes de dysprosium. Alors l'expérience, ça consiste à piéger un gaz d'atome très dilué de dysprosium dans le vide, donc essentiellement au moyen de faisceaux laser de différentes natures, donc qui servent à refroidir, piéger et ultimement à contrôler les atomes pour les mettre dans des situations physiques qui nous intéressent. Donc typiquement des condensats de Bose-Einstein. Est-ce que vous pourriez me dire l'intérêt que représentent ces atomes de dysprosium et pourquoi des atomes de dysprosium sont nécessaires pour cette expérience? Alors le dysprosium, c'est un élément qui n'est pas très connu, c'est une terre rare qui a la propriété notamment d'être l'élément le plus magnétique de la classification périodique, et donc c'est ce qui motive en partie son intérêt. Les gaz d'atomes sont, on peut les voir comme un ensemble de petits aimants qui vont interagir entre eux. Et donc on a à la fois le phénomène de condensation, donc c'est-à-dire une manifestation de la nature quantique du mouvement des atomes, qui va de pair avec des interactions entre les atomes de type magnétique. Donc ça conduit à des régimes de comportement qui sont nouveaux par rapport aux atomes plus conventionnels. Donc, écoutez, on va peut-être commencer à regarder un petit peu comment ça se passe. Oui. Merci beaucoup. Et là, on ouvre les portes. Des caissons. Expliquez-moi un peu, là, c'est vraiment un enchevêtrement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc essentiellement, tout se passe dans un grand système à vide. Donc vous avez des enceintes dans lesquelles on fait un vide très poussé. Ça permet d'avoir des atomes complètement isolés de l'extérieur. Alors ça, c'est important parce que donc, la physique des condensats de Bose-Einstein, ça se produit à des températures qui sont très très basses, presque absurdes, en dessous du micro-Kelvin. c'est-à-dire un millionième de degré au-dessus du zéro absolu. Et donc, évidemment, s'il y avait un contact avec l'extérieur, ça, on perdrait tout de suite le phénomène. Quels sont les différents stades de l'expérimentation ? Alors au départ, c'est simple, hein, on prend un morceau de métal de dysprosium et on le chauffe à 1000 degrés, et ça conduit à une sorte d'évaporation des atomes. Et ensuite, il s'agit d'arriver à capturer une partie de ces atomes dans des pièges qui sont formés de faisceaux laser. Donc on entoure la chambre à vide d'un ensemble de faisceaux laser, et alors il y a le phénomène de pression de radiation, c'est-à-dire les chocs entre la lumière et les atomes, qui nous permettent en fait de pousser et de refroidir les atomes et de les amener de les confiner à un certain endroit dans le vide et de les amener à une température très basse. En ce moment, en fait, on travaille sur des propriétés magnétiques de l'atome en envoyant un pulse de lumière qui dure à peine une microseconde, typiquement. Donc en gros, l'expérience qui nous intéresse vraiment, elle dure très très peu, elle dure une microseconde. On sonde le nuage en envoyant un faisceau laser et en regardant l'ombre du nuage, et ensuite on recommence. Donc 20 secondes pour repréparer le nuage, une microseconde pour faire l'expérience. Tout est piloté par ordinateur, évidemment, parce qu'il faut un timing très précis. Et qu'est-ce que vous cherchez à créer avec cette expérience-là ? Donc actuellement, on s'intéresse à une dynamique sur ce qu'on appelle le spin des atomes, c'est-à-dire essentiellement, quand je disais que chaque atome portait un petit aimant, on arrive à agir sur ce petit aimant avec des faisceaux laser. Ce qu'on fait en ce moment, ce sont des états qu'on appelle non classiques, des états typiquement quantiques, qu'on peut appeler éventuellement des petits chats de Schrödinger. Ici, ça consiste à chaque atome avoir un moment magnétique qui pointerait dans une direction et en même temps dans la direction opposée. Un état un petit peu qui n'a pas d'équivalent en fait en physique de tous les jours. Donc là, on est face à un écran. Sur l'écran, il y a une espèce de petit bout de papier avec marqué « Atoms ». Qu'est-ce qu'on s'apprête à voir ? Voilà, là, on les a vus. En fait, au départ, on a une phase de piégeage des atomes où ils diffusent beaucoup de lumière. Ça permet de les voir comme une petite boule lumineuse qui est ici en fausse couleur, mais on peut la voir à l'œil. Là, c'est typiquement presque 1 milliard d'atomes à une température de 10 microkelvin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'évolution de ces lasers-là, et est-ce qu'il y a des progrès majeurs qui ont été réalisés depuis leur fabrication ? Le paysage s'élargit avec justement des atomes de plus en plus complexes. Donc le dysprosium, c'est un atome qui a été refroidi il n'y a pas si longtemps. Donc les atomes dans la famille des terres rares, ils ont une structure très complexe qui faisait en fait assez peur aux gens au départ, qui pensaient qu'on ne pourrait pas les refroidir. Mais finalement, bon, on se rend compte aujourd'hui qu'on y arrive, et ça ouvre de nouvelles perspectives par rapport aux atomes qui sont plus traditionnels, qui sont plus simples et dont la physique associée est finalement un peu plus réduite. Ça permet par exemple d'avoir des gaz qui ont des interactions entre les petits moments magnétiques portés par chaque atome. Donc ça conduit à des effets beaucoup plus complexes au niveau de la condensation de Bose-Einstein. Donc vraiment des phases de la matière nouvelle qu'on peut imaginer étudier dans le futur. Qu'est-ce qu'on appelle phase de la matière ? Un condensat de Bose-Einstein, ça peut être tout simple, c'est-à-dire que ça peut essentiellement être local, c'est-à-dire chaque atome peut interagir uniquement avec ses atomes voisins. Dans le cas du dysprosium, où chaque atome est un aimant, l'interaction avec les autres atomes se produit à des distances beaucoup plus grandes, et donc c'est un objet qui devient global, c'est-à-dire chaque atome interagit avec tous les autres atomes, donc on sent bien qu'il peut y avoir des effets beaucoup plus complexes. Donc on peut avoir spontanément le condensat de Bose-Einstein qui se coupe en plusieurs morceaux, qui s'arrange un peu sous forme d'un solide, spontanément, alors que d'habitude, ça reste une boule. Il y a vraiment des phases qui sont encore pas forcément très bien comprises et qu'on va essayer d'observer dans le futur. « Voilà le reportage du jour sur la recherche actuelle sur des condensats de Bose-Einstein avec des atomes de dysprosium dont on voit qu'ils ont quelques propriétés surprenantes et non attendues. On a effectivement, Frédéric Chevis, quelques surprises depuis ces premières expérimentations avec le rubidium en 1995. Il y a des condensats de Bose-Einstein qui montrent des particularités dites exotiques en fonction des atomes que l'on choisit de condenser. Oui, disons que jusque, je vais dire, le début des années 2000, les gens étaient très contents avec les condensats de Bose-Einstein dilués. Et c'était assez remarquable parce que justement, on testait et on validait la théorie d'Einstein, qui avait 70 ans, quelque chose comme ça à l'époque. Mais d'un autre côté, c'était un petit peu frustrant parce que c'est finalement un calcul qui est très simple, qui est enseigné maintenant dans tous les cours de physique statistique élémentaire, donc en deuxième ou troisième année d'université, disons. Et donc, dépenser 1 million d'euros pour une expérience pour tester quelque chose qui était finalement était élémentaire, était un petit peu décevant. Et donc il y a une deuxième étape de la recherche sur les atomes froids, les gaz quantiques, qui a démarré dans les années 2000, qui est l'étude des interactions, c'est-à-dire sortir du régime d'Einstein, de ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire du gaz parfait dans lequel les atomes n'interagissent pas ou très peu, à un régime d'interaction plus forte, voire très forte, parce que là, il y a des défis pour la physique qui sont absolument colossaux. Il y a un exemple qui est l'exemple qu'on sort dans tous ces cas-là, c'est le cas de la supraconductivité à haute température critique. Donc c'est un supraconducteur, des matériaux qui ont été découverts dans les années 80, dont on sait qu'ils ont une température critique élevée, c'est-à-dire plus haute que la température de l'azote liquide, qui fait qu'ils sont assez faciles à obtenir en laboratoire. Température élevée, on parle de températures qui sont encore très très négatives. C'est-à-dire qu'on est à quelques Kelvin. Pas toujours. 100 Kelvin. Ah oui, 100 Kelvin, d'accord. 100 Kelvin, oui, d'accord, okay. 100 Kelvin, non, c'est faut voir, l'azote liquide, c'est quelque chose qui est très facile à obtenir. Il y a de l'azote partout. C'est un litre d'azote liquide, c'est le prix d'une bouteille d'Evian. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très facile à obtenir. Donc, ces matériaux ont été découverts dans les années 80. Mais on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont supraconducteurs. Et la raison pour ça, c'est que les matériaux sont très complexes. Il y a des interactions très très fortes entre les électrons à l'intérieur du matériau. Et ça dépasse, si on essaie de résoudre les équations correspondant à ce système-là, on sait écrire les équations, mais on est incapable de les résoudre, même en utilisant les ordinateurs les plus complexes et les plus performants qu'on ait de nos jours. Et donc, il y a tout un tas de problèmes ouverts dans ces systèmes quantiques en interaction forte. Et donc, depuis les années 2000, les atomes froids se sont engagés dans la recherche dans les études de ces systèmes en interaction forte, pour justement essayer de donner une vision complémentaire de ce qu'il y a dans les phases solides. Un mot peut-être, et puis on dira un mot éventuellement de quelques applications, parce que évidemment quand on parle longtemps de recherche théorique sur ces objets et sur ces états exotiques de la matière, on aimerait comprendre comment est-ce qu'ils peuvent être appliqués, ne serait-ce que dans le fonctionnement de la recherche, par exemple je pense au laser atomique ou éventuellement à la métrologie, mais peut-être un mot, Sébastien Balibar, sur quelque chose qui paraît assez incroyable quand on le lit, parce que c'était finalement le postulat de départ de Bose, c'est qu'une équipe de Bonn en Allemagne a réussi à produire un condensat de Bose-Einstein avec des photons en 2011. Est-ce que vous pouvez, Sébastien Balibar ou Frédéric Chevis d'ailleurs? J'aimerais mieux que ce soit Frédéric. Frédéric Chevis, c'est vous qui allez vous y coller. Depuis que je fais cette émission, on m'a toujours appris que les photons n'interagissaient pas entre eux. Comment est-ce qu'on réussit à condenser des photons? Ah mais justement. Alors il faut bien voir que d'abord les interactions, la condensation de Bose-Einstein n'a rien à voir avec des interactions dans le sens où des interactions à deux corps du type la répulsion électrostatique entre des charges ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui provient de l'indiscernabilité des photons ou des atomes du rubidium, le fait que les particules sont identiques les unes aux autres, et ça introduit ces corrélations quantiques qui aboutissent à la condensation de Bose-Einstein. Donc, les interactions ont rien à faire là-dedans, et d'ailleurs la théorie d'Einstein est une théorie sans interaction. Alors dans le cas des photons, la spécificité des photons par rapport aux atomes, c'est que c'est très facile de créer des photons et de les absorber. Donc en général, on a des situations où on a des photons qui apparaissent et qui disparaissent, qui ne sont pas conservés. Et c'est ça qui empêche dans un certain sens la condensation de Bose-Einstein. Il y a plus en plus le fait qu'il n'ait pas de masse. Donc l'idée à chaque fois, il y a des expériences dans lesquelles on condense des photons, donc celle à laquelle vous faites référence, et puis d'autres expériences avec ce qu'on appelle des excitons polaritons, qui sont là aussi une espèce particule de matière dans lequel en fait on va faire interagir la lumière avec de la matière, et dans un certain sens, par cette interaction, les photons vont acquérir certaines propriétés de la matière. Et notamment le fait que ça va coûter une certaine énergie pour les créer, on ne peut plus les créer aussi facilement qu'avant. Et c'est voilà, en hybridant de la lumière avec de la matière qu'on est capable de créer ces condensats de photons. Alors venons-en, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes, Sébastien Balibar, à cette question des applications. Quelles sont, y en a-t-il déjà? Est-ce qu'il y a des applications directes qui vous paraissent importantes de relever ici? Et quelles sont les propriétés du condensat de Bose-Einstein qui sont utilisées pour ces applications? Une fois de plus, il faut distinguer la physique fondamentale des gaz froids, qui permet de comprendre tout un tas de phénomènes qui sont très compliqués de la matière condensée, mais ces gaz froids, ils permettent de faire varier les paramètres. Par exemple, on peut faire varier continuellement les attractions entre deux atomes d'un gaz froid. Et du coup, on peut voir justement ce qui est très difficile à calculer, qui sont l'évolution de ce phénomène en fonction de l'amplitude des interactions. Ça, c'est une chose, c'est de la physique fondamentale. Effectivement, je crois que ça doit avoir un jour, ou peut-être déjà, des conséquences en métrologie qui sont importantes, hein, connaître le... Mais remarquez, les fontaines à atomes, c'est autre chose. Hein. Mais enfin, on mesure le temps avec une précision qui est incroyable maintenant, et c'est très, très utile pour des tas de choses, à commencer par le GPS. Alors, ça, c'est un type d'application avec les gaz froids qui sont peut-être pour plus tard et qui sont surtout fondamentales. Maintenant, du côté de la matière condensée, alors on l'a un peu dit, donc il y a une sorte de condensation de Bose-Einstein, mais avec des interactions fortes, parce que dans un liquide, il y a des interactions fortes, donc c'est un peu loin du calcul initial d'Einstein, vous voyez. Et donc c'est quasiment, si ce n'est impossible, du moins extrêmement difficile à calculer vraiment. C'est l'inconvénient de ce fameux hélium liquide. Et puis, il y a les supraconducteurs, où donc c'est une sorte de condensation de Bose-Einstein, sauf que il y a deux théories qui sont différentes selon que les interactions sont faibles ou fortes. En gros, je dirais ça comme ça. On passe de la théorie qu'on appelle BCS, du nom des trois prix Nobel, Bardeen, Cooper, Schrieffer, où les molécules s'attirent faiblement, je crois qu'on peut dire ça, et qui sont assez loin et qui s'attirent à cause, via le milieu. Elles échangent des ondes sonores quantiques ou elles ont des interactions magnétiques à distance, choses comme ça. Et puis on peut faire des vraies molécules, où à ce moment-là, ils sont fortement liés ensemble, les deux atomes. Ça devient un condensat de Bose parce que les fermions sont devenus des bosons. Et donc, dans ces expériences extraordinaires sur les gaz froids, ils arrivent à voir la transition entre les deux. Alors, revenons-en quand même à votre question. Quelles sont les applications? Il y a des applications, certainement, des condensats de Bose au sens généralisé, donc des superfluides, des supraconducteurs, qui sont de deux sortes. La première, c'est qu'on peut utiliser l'hélium superfluide pour refroidir de manière très efficace, par exemple un électroaimant. Et c'est ce qui est fait au grand LHC. Alors on est encore dans la physique fondamentale, au grand collisionneur de Hadron de Genève, hein, où il y a 27 km d'électroaimants surpuissants qui sont refroidis avec de l'hélium superfluide à 1,9 degré Kelvin, qui est la température où la conduction est la plus grande. Maintenant, ce qu'il y a dans le bobinage des électroaimants en question, c'est des supraconducteurs, donc on n'est pas loin. Et ces supraconducteurs, comme il n'y a pas de résistance électrique, ils permettent de faire passer des courants gigantesques, donc d'avoir des champs magnétiques extrêmement forts. Donc non seulement ça marche donc dans ce collisionneur à Genève, le LHC, mais surtout ça marche dans tous les hôpitaux, parce que l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, c'est quoi? C'est un grand tube avec des enroulements assez compliqués d'ailleurs pour faire une image tridimensionnelle, des enroulements de supraconducteurs qui baignent dans de l'hélium liquide qui là n'a pas besoin, sauf instrument de performance, d'être superfluide. Mais ça, pour moi, c'est la grande application de ce genre de physique. La physique quantique à l'état macroscopique, eh bien, il y en a dans tous les hôpitaux et c'est grâce à ça qu'on a révolutionné l'imagerie médicale. Frédéric Cheville, sur un mot aussi sur les applications. On peut peut-être dire un mot du laser atomique. Oui, alors juste pour rebondir sur les applications vraiment dans la vie de tous les jours, la condensation de Bose-Einstein. Ou en recherche fondamentale, enfin, par ailleurs. Je voudrais même aller dans la vie de tous les jours, autour de ce qui nous entoure. La condensation de Bose-Einstein, c'est un petit peu la la partie spectaculaire, la partie émergée de l'iceberg, de la compréhension qu'on a de la matière à l'échelle quantique. C'est-à-dire justement ce qu'on a dit au tout début, il y a cette distinction entre boson et fermion, et une fois qu'on a compris ça, on a la condensation Bose-Einstein. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les électrons dans les solides, dans les semi-conducteurs qui équipent tous les dispositifs électroniques qu'on a de nos jours, en fait ont un comportement quantique aussi fort que les bosons dans le condensat de Bose-Einstein, c'est-à-dire qu'ils sont aussi froids, entre guillemets, que les bosons dans le condensat de Bose-Einstein. Et donc, c'est parce qu'on a compris le comportement collectif des électrons et ce principe de Pauli qui interdit à deux électrons d'être dans le même état, qu'on est capable d'avoir des semi-conducteurs, qu'on est capable de faire des transistors et qu'on est capable de faire toute la microélectronique qui équipe maintenant nos ordinateurs, nos téléphones portables, etc., etc. Donc vraiment, tout ça, ça résulte de la compréhension de ces phénomènes quantiques à l'échelle macroscopique. Alors pour revenir à la métrologie, moi, il y a aussi quelque chose que j'aime bien qui va vers la physique fondamentale, qui est le fait qu'on est capable aussi, avec des atomes froids, de tester des choses qui ne relèvent pas d'habitude de la physique atomique, mais de la physique fondamentale des hautes énergies ou des grands systèmes. Par exemple, ce qu'a dit Sébastien Balibar tout à l'heure, c'est que quand on faisait tomber un atome, eh bien, un condensat Bose-Einstein, eh bien, il ne s'étalait pas. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire tomber dans le vide un atome sur des très très grandes distances. Et donc de tester quelque chose qui s'appelle le principe d'équivalence, qui est encore Einstein, le fait que toutes les atomes, le plume, le plomb, etc., tombent tous à la même vitesse. Et donc c'est un des fondements de la relativité générale qu'on peut tester. Il y a des expériences, notamment à Stanford, dans lesquelles ils ont des tubes de chute libre, où ils font tomber des atomes froids sur 10 mètres. Et qu'on va bientôt tester d'ailleurs en microgravité, puisqu'on va le tenter dans l'espace, et qu'on attend avec impatience, on en a parlé ici il n'y a pas très longtemps, les résultats, parce que si évidemment on se rend compte que ce principe d'équivalence est mis à mal, c'est peut-être toute la théorie de la relativité d'Einstein qu'il faut revoir, mais ça donnera lieu à d'autres émissions. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler du condensat de Bose-Einstein pendant une heure avec la verve qui fut la vôtre. C'était passionnant à écouter. Merci Frédéric Chevy, merci Sébastien Balibar. On peut vous lire dans Chercheurs au quotidien, dans la collection Raconter la vie aux éditions du Seuil, où vous parlez entre autres de super solide, je crois, notamment. Enfin... Oui, une question invraisemblable. Est-ce qu'un cristal peut être super fluide, liquide et solide à la fois? Oui, on a mis 6 ans à dire que non, mais que ça pourrait exister. Eh bien voilà, si vous voulez avoir la réponse à cette question, précipitez-vous chez votre libraire pour chercher Chercheurs au quotidien aux éditions du Seuil. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Leu à la technique, Thibaut Gouffier au droit d'auteur.